C'est Rambobine, la nouvelle émission de la locale. Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de la locale 97.3 à Saint-Girons et ses alentours. Nous sommes le 7 janvier 2019 et comme le veut la tradition traditionnelle, je souhaite pour cette toute nouvelle année une longue vie à cette radio et aussi à ses auditeurs et ses auditrices qui, en l'écoutant, la font vivre. Donc merci à vous. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Divin. Ravin. Du vin. Du H. Du vin. C'est le vin qui tâche. C'est le vin qui tâche. Crétin. Vin de garde. Vin de soif. Vin blanc. Vin chaud. Vin rouge. Vindicatif. Évincé. De vin. Ravin. De vin. Ravin. Le vin. Vainqueur. Vin qui aime la liqueur. Carte de vin. Invincible. Il vin, beau vin. Si vince, on vaincra. Vinci vaincu. Alors ça, c'était une petite mise en bouche avec cette création qui s'appelle Carte de vin. Avec deux de mes amis, Paco et Ronan, on s'était amusé à prendre du son chez des potes viticulteurs il y a un peu plus de 2 ans. Et par exemple, on avait plongé des petits micros dans des cuves, on s'était nous-mêmes installés dans des énormes fûts de chêne, d'où les réverbes à des moments. Et puis on avait eu envie de triper à trouver des mots avec le son vin. Et voilà, c'était Carte de vin. Donc voilà, on va parler de vin, mais pas n'importe quel vin, celui qui fait pas mal à la tête, celui qui est sans sulfite, le vin nature. Le vin nature, c'est pas du vin bio, c'est du vin nature. Nature. Nature, quoi. Nous allons diffuser ce soir Appellation Bretonne Incontrôlée. Et c'est un docu sonore de 30 minutes, créé du coup par Paco et Ronan, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud en tapant juste Appellation Bretonne Incontrôlée, et vous le trouverez. Donc ça s'est aussi passé en 2016. Ils ont décidé d'aller à la rencontre de gens qui font ou qui veulent faire du vin nature en Bretagne. Et on va dès à présent écouter Paco, qui va nous parler du contexte de cette réalisation. On a fait ce documentaire à deux, avec Ronan, un ami, on fait tous les deux partie du collectif Mettez Chaussons, qui est un collectif de création et d'expérimentation sonore, de personnes plutôt basées dans l'Ouest. Enfin, en général, il y a quand même des gens aussi en Ariège et en Auvergne maintenant. Et donc voilà, on avait en fait ce collectif, il s'était un peu créé lorsqu'on avait participé à un festival qui s'appelle Anjou Feu, où on avait posé un peu, on avait fait un peu de création sonore et on avait proposé des écoutes de documentaires sonores. Et du coup, ça leur avait bien plu, donc ils ont refait appel à nous 2 ans plus tard. Et du coup, on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse des créations en lien avec le vin. En lien, pourquoi pas, avec les appellations, vu que ce festival, en fait, il s'est créé en soutien à un viticulteur, Olivier Cousin, qui était en procès contre l'INAO pour des histoires d'appellations. Et du coup, voilà, il nous réinvitait, donc on s'est dit, bah tiens, il faudrait faire de la création pour cet événement-là. Et moi, j'avais entendu parler de vignes tout près de Redon, avec des gens qui cultivaient la vigne, qui faisaient du vin, mais qui ne pouvaient pas le commercialiser pour une histoire géographique, parce que du coup, ils étaient dans le 35, alors que s'ils avaient été dans le 44, en Loire-Atlantique, ils auraient pu commercialiser leur vin. Enfin, il y a vraiment des questions territoriales. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à prendre connaissance de l'existence de l'ARVB, donc ce qu'on entend dans le documentaire, l'Association pour la reconnaissance du vin breton. Du coup, voilà, on m'a aiguillé vers cette association-là, j'ai été à leur assemblée générale, et du coup, rencontré les gens, pris plein de contacts, quoi. Et voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé à rencontrer les amis du coteau du Braden, là, ceux qui font de la vigne à Quimper. Et du coup, voilà, et ça, ouais, en fait, et par-dessus ça, il y avait aussi le fait que, en tout début 2016, là, comme on entend dans le documentaire, il y a une nouvelle loi sur les droits de plantation qui est arrivée, qui permet à tout le monde de planter de la vigne, quoi. Donc voilà, l'idée, c'était de utiliser cette nouvelle loi et utiliser le cas breton pour questionner les appellations d'origine contrôlée. En fait, utiliser un peu cet exemple un peu vierge qui est la viticulture en Bretagne pour voir comment eux, ils imaginent se développer, ils imaginent faire du vin et, voilà, et les questionner par rapport aux AOC. Enfin, voilà, sur un truc tout neuf comme ça, est-ce que ça leur parle, est-ce qu'ils prendront les AOC ou comment ils feraient, quoi. Et du coup, voilà, petit à petit, on rencontrait Sylvie Guerrero, c'est un contact qu'on nous a donné, les gens de Quimper là, qui nous ont donné ce contact-là. Après, Mathieu de Grosrois, là, c'est pareil, un copain. En parlant autour de nous de ce sujet de documentaire, et bah, les gens ils disent « Ah, je connais telle personne, tiens, ils font de la vigne là, là, là. » Et du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé à avoir ces deux personnes qui veulent... qui avaient le projet de planter de la vigne en Bretagne pour faire du vin et d'en vivre. Parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui ont de la vigne, mais c'est associatif et du coup, ils ne vendent pas. Parce que jusqu'en janvier 2016, de toute façon, on n'avait pas le droit. On ne pouvait pas vendre du vin qui n'était pas dans les aires géographiques, dans les départements viticoles. Et en Bretagne, il n'y a que la Loire-Atlantique qui était département viticole. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé sur ce sujet-là, en se disant que ouais, c'était intéressant de questionner les AOC en lien avec le festival et puis bah, en lien en général. Sur toutes ces appellations là que ça paraît un peu flou comme ça quand on s'y intéresse pas, AOC, AOP. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Rembobine sur la radio ariégeoise La Locale. Nous sommes en compagnie de Paco qui est l'un des auteurs du documentaire Appellation bretonne incontrôlée et qu'on va écouter tout de suite, et on se retrouve après. Ça dure 30 minutes et 50 secondes. Bonne écoute. Nous sommes en bordure de la rocade sud de Quimper, face au rond-point qu'on appelle le rond-point Gutenberg. Les gling-gling, il va prendre les gling-gling. Alors l'idée d'implanter une vigne à Quimper est née en 2005 au sein de l'association des habitants du Braden, qui donc les adhérents avaient envie de trouver une nouvelle animation. Et donc le terrain déjà ici avait été repéré. C'était un terrain en friche qui appartient en partie à la ville de Quimper et en partie au conseil départemental. Il se prêtait bien donc à l'implantation d'une vigne puisque il est très bien orienté, plein sud, légèrement incliné, et donc il n'y a pas de problème d'eau, pas de problème d'humidité. C'est Hubert Loison, donc j'ai été adhérent à la vigne dès le départ, c'est-à-dire depuis 2006. Alors là, ces pieds ont été plantés en 2006. Donc, première récolte c'était de raisin. Le 1er avril 2006. Oui, c'est par rapport à l'avril. La première récolte qu'on avait faite, mais c'était pour rire, disons, c'était en 2008. Il y avait déjà du raisin qui était bien sucré, je me rappelle, mais on n'avait pas fait de vin. Mais je suis assez patient. Ah ouais, je vois bien. Chacun mal placé. Il y a 83 plants de pinot gris et 5 plants de gamaret. Par contre, c'est du raisin, enfin, on peut faire du vin rouge avec. Et ben, c'est à titre d'expérience. Ça a été demandé par l'INRA de Montpellier, non? Le gamaret est un cépage hybride avec du Reichensteiner qui est un cépage autrichien. Et du gamay. Ils veulent voir au travers des plantations tests qui sont disséminées un petit peu partout en Europe comment évolue ce cépage, donc avec base majeure de gamay. Donc, première vendange de cette année, on a eu de bons résultats. Hein. Un bon rendement du raisin sain et des feuilles également qui n'étaient pas touchées par la maladie. Donc, c'est un cépage bien adapté peut-être pour notre région. Bon, là, nous sommes donc dans le chai de les Amis de la Vigne. Auparavant, c'était à la ferme de Braden, le nom est resté. Et c'est un des rares bâtiments qui est resté debout. Rémi Ferrand, un des membres actifs, on va dire, du Braden. Sur l'étiquette, hein, c'est Coteau du Braden, bien évidemment. Nous mettons Vigne Associative Quimper. À partir du moment où on commercialise pas, on peut pratiquement un petit peu faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit de vendre notre vin. Hein. On est vigne associative, on n'a pas le droit de vendre notre vin. C'est la réglementation et on ne le vend pas. Nous avons droit simplement de le proposer à la dégustation lors de deux manifestations locales sur la commune. Là, on vend la dégustation au verre à 2 euros. C'est le principe. Alors maintenant, ça y est, il est midi moins le quart. Donc, comme on a bien travaillé, petite récompense, petit apéritif. Là. Ça, c'est la coutume. C'est sacré. Donc, Sylvie Guerrero. Je suis porteuse du projet de vin sur la commune de Tréfiagat, en pays sud-bugoudin. 45 ans, j'ai eu un entretien professionnel de fin de carrière chez Terena. Et ça m'a fait un choc. Donc je me suis dit, à 45 ans quand même, je ne suis pas finie. Donc qu'est-ce que je veux faire pour ma dernière partie de carrière et c'est arrivé, mais naturellement. Le climat à Lesconil, enfin voilà, y habitant, j'ai pu l'observer. Je me suis dit, bah, si je dois faire quelque chose au niveau du vin, j'aimerais bien que ce soit ici parce que je suis sûre qu'il y a matière et ça peut fonctionner. Le but, c'est d'avoir un domaine de 3 hectares, voilà, dans le sud Finistère, parce qu'il y a un climat qui est un peu plus favorable que le nord Finistère. Pour pouvoir en vivre, ben, le minimum, c'est 3 hectares. Puis 3 hectares seuls, c'est bien. Sans mécanique, sans rien, ça va, ça construit sa femme. Ça fait du muscle. Ça veut dire aussi que je casse les rendements. C'est pas, si on fait du mécanique, si on fait du plus naturel, on n'est pas dans le rendement, on est dans le qualitatif. J'ai beaucoup regardé la climatologie puis le sous-sol. J'ai beaucoup regardé ces paramètres-là et je me suis rendu compte qu'en fait, on était sur le même type de sous-sol et de climat que le nord du Portugal et que la Galice. Donc pour favoriser une meilleure plantation, prendre le moins de risques possible, en tout cas sur les cépages, j'ai décidé de prendre du cépage portugais. Donc l'Albarinho et le Trexadoras. On peut faire du vin blanc, on peut le trouver en vin rouge aussi, donc ça me laisse une palette. Et puis surtout, il a des caractéristiques qui me plaisent bien, c'est un vin qui est en assemblage, qui va donner un vin assez fruité, avec une touche minérale assez forte, puisque en fait, on aura le granit qui viendra apporter cette minéralité. Alors, ça fait un an et demi que la vigne est plantée. Normalement, on devrait avoir un petit peu de raisin cette année, mais qui ne va pas être d'une excellente qualité. Hein. Mais ça va me permettre déjà de voir un petit peu la qualité du fruit, ce que ça va donner. Là, pour l'instant, tout est subventionné. Enfin, tout est fait par fonds propres. Je me subventionne, je m'auto-subventionne. Voilà. Mathieu Lesseau, j'ai 30 ans. Je suis lorientais depuis 30 ans. Et j'ai fait mes études à Montpellier dans le monde du vin. Et aujourd'hui, grâce à l'ouverture législative, j'ai envie de planter de la vigne sur l'île de Groix, en Bretagne. Groix parce que y a un terroir exceptionnel de schiste bleu, des glaucophanes. C'est une roche assez spécifique, métamorphique, qu'on trouve à 3 ou 4 endroits dans le monde, au Japon, dans les Cyclades en Grèce, et à Saint-Véran, dans une petite appellation coincée dans le sud mâconnais, au nord du Beaujolais. On a pensé le projet en polyculture. Ma compagne est maraîchère, elle est en train de suivre la formation de biodynamie à Aubernais. Donc un petit peu de maraîchage, un petit peu d'élevage, accueil du public avec une activité de chambre d'hôte. La grosse complication de planter de la vigne, c'est que pendant 5 ans, il n'y aura pas de revenus parce qu'on est sur une culture pérenne. Donc en attendant, on a choisi de développer un petit peu d'agritourisme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de table d'hôte, chambre d'hôte. On va profiter de Groix et de son microclimat, parce que c'est sur le littoral breton, donc je pense qu'on approche la pluviométrie et la précocité des températures et de l'ensoleillement. Je pense qu'on approche Bordeaux. Il y a vraiment une carte à jouer sur le terroir groisillon. Le gros avantage qu'on a sur ce type de production, c'est la vente directe, parce qu'on profite sur une île d'un afflux touristique énorme, avec 200 000 visiteurs par an. Pour un aspect communication sur l'agriculture et sur nos valeurs, c'est chouette. À terme, l'activité viticole, ça représentera 5 hectares, pour une production d'environ 15 000 bouteilles. J'ai envie de planter du chenin sur une partie du projet, et sur l'autre partie du projet, j'ai envie de planter de l'albarino. Donc l'albarino, pour préciser, c'est un cépage de Galice, donc un cépage à peau relativement épaisse et capable de résister aux embruns, entre autres aux tempêtes d'équinoxe de septembre. Et un petit peu aussi une troisième partie, un petit 20% de rouge léger de soif, peut-être un peu de trousseau, gros lot gris, gros lot noir. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Mon feeling me porte vraiment sur les blancs. Vraiment des chenins, des blancs tendus, acides, vraiment des grosses minéralités, un petit peu ce qu'on peut retrouver. Ce serait génial d'arriver à faire ça, mais de ce qu'on peut retrouver sur Savenir, entre autres. Ah, y a des trucs à faire. Gérard Hall, président de l'association pour la reconnaissance des vins bretons. Je suis écrivain, journaliste, réalisateur de films. Cette histoire, ça démarre il y a 10 ans, en fait. Moi, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « Le vin des Bretons » aux éditions du Télégramme, avec un photographe qui s'appelle Gilles Pouliquin. Et donc, on avait travaillé sur la relation des Bretons au vin. Et quand le bouquin est sorti, peu de temps après que le bouquin soit sorti, il y a un gars qui s'appelle Pierre Guigui, qui m'a appelé, qui était le spécialiste des vins bio dans la revue Goemio, et qui a des attaches avec la Bretagne, et qui m'a dit, ben voilà, ça serait marrant qu'on essaye de monter une asso, de rassembler tous les gens qui mènent des expériences viticoles en Bretagne, un peu partout, à droite à gauche, quoi. Puis on a monté l'asso comme ça, donc c'était en 2006, je crois. On s'appelle Association pour la reconnaissance des vins bretons, c'est-à-dire cette idée que voilà, on voudrait faire reconnaître le fait qu'en Bretagne, il y a un peu partout en Bretagne, sur le territoire breton, de la Bretagne historique, il y a des gens qui font du vin un peu partout et que ça se rapporte à une histoire ancienne. Et on a été surpris de voir qu'il y en avait beaucoup plus qu'on imaginait. Bah, le but, c'est d'aider les gens à faire du vin, le faire le meilleur possible, quitte à... parce que ça demande quand même un peu de travail. Puis voilà, quoi. Bah, aider les gens, quitte à faire du vin, à ce qu'il soit bon, qu'il soit adapté aussi au climat du pays. Chaque année, donc, on se retrouve pour l'Assemblée Générale. Les gens amènent des flacons, on fait des dégustations... Il y a des spécialistes qui sont là, qui donnent des comptes rendus et des conseils, du coup. sur la vinification, tout ça. On fait venir à chaque assemblée générale aussi des spécialistes qui viennent apporter leurs conseils sur la plantation, la taille, la vinification, etc., etc., quoi. Donc, et on observe, nous, dans les dégustations, chaque année, une amélioration, quoi. C'est meilleur à chaque fois. On est surpris par la qualité, quoi. Depuis janvier 2016, il y a une ouverture, qui s'est faite au niveau européen. C'est un décret européen qui est applicable à partir du 1er janvier. Donc, permet aujourd'hui de planter la vigne dans toute la France. Je m'appelle Alain Poulard. Je suis retraité de l'Institut français de l'année du vin. Une grande partie de mon activité, j'ai fait de la recherche en matière de microbiologie, mais je m'intéressais aussi particulièrement aux cépages. Tous les ans, l'Europe donne un quota de possibilités de plantation dans les divers pays. Et donc, c'est France Agrémaire qui doit gérer, appellation après appellation, la distribution de ces droits de plantation. Donc, en fait, il faut monter des dossiers, en quelque sorte, auprès de France Agrémaire. Et France Agrémaire, par la suite, va à plusieurs filtres et plusieurs niveaux de cotation des dossiers. Avant 2016, 1er janvier 2016, les plantations nouvelles n'existaient pas. Quand on plantait, c'était issu d'un droit qui provenait de la recherche d'une vigne. Ça, c'était l'ancien système. Nouveau système, on est dans une autre logique. On est dans une certaine libéralisation. Les plantations nouvelles sont autorisées à hauteur de 1% du potentiel en vigne de chaque État membre. Donc, en gros, on a 800 000 hectares de vignes. Donc, on a possibilité de planter 8 000 hectares de plantations nouvelles. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les vins sans IG, avant 2015, il n'y avait pas de plantation en vins sans IG. Il n'y avait que des plantations en AOP et IGP. À partir de ce nouveau système, les vins sans IG peuvent avoir des plantations. Il y a trois catégories de vins. Il y a les vins à appellation d'origine protégée ou contrôlée, ça c'est la version française. Il y a les IGP, les indications géographiques protégées, et les vins sans IG, sans indication géographique, anciennement les vins tables. Donc Pascal Cellier, je suis délégué territorial Val-de-Loire. Donc ça représente les régions Pays de Loire et Centre-Val-de-Loire. Donc je représente l'INAO sur ces régions. L'INAO, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité qui gère les signes officiels de qualité. On est dans une filière vin qui est un peu particulière sur le plan réglementaire pour pouvoir commercialiser des vins avec un nom géographique, il faut obligatoirement être soit un IGP, soit un AOP. Si on n'est pas dans une démarche IGP ou AOP, on n'a pas le droit de commercialiser avec un nom géographique. Les vins sans IG, sans indication géographique, ils ont la possibilité de mettre le millésime et le cépage, mais pas d'origine géographique. Si on se met du côté du consommateur, si on a des vins qui utilisent un nom géographique parce qu'ils sont dans une démarche officielle de qualité, si en même temps vous pouvez acheter des produits qui ne sont pas sous cette démarche-là, qui mettent juste une provenance, ça peut être une ambiguïté et ça peut affaiblir ou ça peut porter des doutes ou des confusions. Sur les produits que l'on consomme. Il y a une mission de l'INAO qui est de défendre les noms qui sont utilisés pour ces SICO. Du coup, vous en pensez quoi, vous? Quel regard vous avez là-dessus? Vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez sur votre bouteille de vin? Ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est le... C'est, voilà, c'est la... Après, on est obligé de se plier à la loi. Hein. C'est le VSIG, c'est le VSIG. Je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Et... L'idée, après, c'est de développer, d'arriver à ces 3 hectares, et puis surtout de travailler un protocole pour commencer à avoir une appellation Côte du Finistère. Pour avoir une appellation, il faut au moins 10 ou 15 ans, hein, donc ce n'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est comme une traçabilité pour une viande. C'est une façon de dire, ça c'est un savoir-faire. Que l'on, Côte du Finistère, c'est pas comme un Bourgogne, ça se cultive pas de la même façon. Quoi. C'est ça l'idée. C'est de mettre un label. Et si c'est une appellation, c'est une appellation. Si c'est un label, ce sera un label. Enfin voilà, je suis pas arrêtée là-dessus. Quoi. Je vais travailler ça avec, bien sûr, les vignerons finistériens. Je vais pas être seule dans mon coin. Après, il faudra sûrement décider quels sont les cépages qui rentrent dans cette appellation. Mais tout ça, ça se discute entre dans la même. Avec les vignerons, quoi. Donc l'idée au départ, c'est bien de les rencontrer. C'est très très long pour créer une AOC. Bon courage à ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. Moi, je sais que à Groix, je revendiquerai aucunement d'indication géographique de Groix, de machin. J'ai surtout pas envie de me confronter à des instances administratives intempestives. Aujourd'hui, ce projet porte sur les vins sans IG. Je pense qu'on va le faire, comme ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'on crée en tout cas une asso pour la centralisation des démarches. Ça pourrait être intéressant et enrichissant et surtout dynamique pour les jeunes aujourd'hui qui ont envie de s'installer parce qu'il y en a pas mal. Moi, je reçois souvent des coups de fil et c'est y a des réels questionnements. Et pas d'interlocuteur aujourd'hui. Pour moi, c'est la démarche d'amélioration continue en fait qui est importante. Et peut-être effectivement qu'un AOC ou une appellation quelconque peut limiter cette amélioration. Donc oui, l'idée c'est d'avoir une appellation Côte du Finistère pour pouvoir mieux vendre aux touristes une bouteille qui vient de Bretagne. Voilà, c'est le but est purement commercial quand on a un AOC. Mais derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi toute la qualité du travail que l'on y met. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette association, et donc plus de coopérative, mais d'association, pour avoir un mouvement quand même assez fort pour aussi lutter contre les lobbying bordelais et autres. Et puis pouvoir... avoir de bonnes pratiques ensemble, pouvoir discuter dans cette amélioration continue, se donner des petits trucs, des petites astuces et avancer ensemble vers une qualité meilleure. Quoi. Là, moi, j'en discute beaucoup avec Quimper, avec la vigne du Braden. Voilà, c'est des copains et... bien d'accord sur le fait qu'il faut qu'on travaille et qu'on se fasse reconnaître. Enfin, après, le travail gratuit, ça n'existe pas. Hein. C'est bien d'avoir une reconnaissance et de montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas une région au départ viticole qu'on ne sait pas faire du vin. Hop, et après on coupe. Et voilà. Un fait. Et bien après on coupe un peu. Arzano, c'est bonjour. Allez, voilà, c'est bon. Laissez un œil ici pour l'année prochaine. Pour les viticulteurs bretons qui vont s'installer, bon, il va falloir qu'ils trouvent une solution, effectivement, sans attendre l'AOP. On peut penser que donc il faudra d'abord plusieurs viticulteurs, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, et puis après donc faire des essais. Hein, donc que les gens soient d'accord sur les cépages, etc., pour qu'il y ait une certaine homogénéité. Et par la suite, effectivement, planter des parcelles expérimentales, faire venir des commissions d'enquête qui vont déterminer donc des zones à planter, etc., et avec des contraintes, etc. Et donc l'idée même, ce serait de planter où il y a déjà eu autrefois de la vigne, parce qu'en fait, l'INAO est très sensible à tout ce qui est un petit peu donc historique. On plante, si on plante sur des terroirs qui ont déjà porté de la vigne, c'est beaucoup plus facile. Donc très, très, très sincèrement, pour des vins qui seraient produits en Bretagne, l'étape normale, c'est d'abord de passer par une indication géographique protégée. Il y a un vignoble qui existe, donc qui s'est construit. Et une fois que ce vignoble existe, il faut qu'on arrive à faire la démonstration que le fait qu'il soit élaboré en Bretagne, ça donne une caractéristique particulière au produit. C'est-à-dire que la différence est reconnue par les consommateurs qui acceptent, qui comprennent qu'il y a un air de famille des vins bretons. Là, ça peut être une AOC. Alors, il faut quand même qu'on débatte du fait qu'une AOC doit garantir aux consommateurs un goût. Après, le collège de dégustateurs, souvent issu de vins conventionnels, dit systématiquement aux vins nature ou aux vins bio, le tien ne ressemble pas au nôtre. Donc, tu dégages. Et c'est quand même problématique. En fait, les dégustations d'agrément, c'est un collège de dégustateurs qui se réunit et qui dit le vin dans tel AOC doit avoir ce goût-là. Ou en tout cas, en dégustant les verres à l'aveugle, disent ce vin-là n'a pas le goût de l'AOC. Mais c'est quand même dommage en France de se passer de certains vins à cause de certains gens obtus dans les AOC qui veulent pas faire évoluer les AOC et qui veulent pas un petit poil de défaut dans le vin. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des vins stériles. Alors oui, ça sent le saumur champigny, et puis mais ça sent quoi le saumur champigny? Qui peut dire quoi? C'est incompréhensible. De toute façon, le vin, il est levuré, soufré, filtré, et il a absolument plus aucun goût de là où il devrait venir, et il a le même goût qu'en Nouvelle-Zélande. Il n'y a plus de terroir, il n'y a plus de levure qui viennent du milieu. C'est traité en plus chimiquement au sol, il n'y a pas une herbe qui peut s'épanouir. Ça devient une catastrophe. Aujourd'hui, les AOC, comme elles sont pensées, ou peut-être pas comme elles sont pensées, parce que quand elles ont été pensées en 1930, 40, 50, ça avait du sens. Aujourd'hui, avec l'œnologie moderne, on gomme tout, ça n'a absolument plus aucun sens. C'est vrai que les AOC, à un moment donné, il y a des producteurs, moi je vois en Anjou, des producteurs qui, finalement, dans les AOC et dans cette possibilité d'utiliser des pratiques agronomiques qui ne respectaient pas toujours respectueuses de l'environnement, se sont dit on ne trouve pas notre place. Dans ce système. Et forcément, ça interroge le collectif. Évidemment, ça interroge. Quand il y a des gens qui s'installent pour dire ben, finalement tout ce que vous avez mis en place, les anciens et le terme Anjou et ou autre, et toutes les règles que vous avez données, ben, moi je ne trouve pas ma place dedans parce que ça ne répond pas à ce que j'aspire. Bon, ça oblige le collectif à se poser des questions. Mais ça, moi, je considère que c'est que le collectif, quand il n'arrive pas à intéresser des démarches qui peuvent amener un plus, c'est dommage, quoi. On a raté quelque chose, quoi. Il faut pas que... Alors, collectif, c'est bien, mais il faut pas que ça soit un repli sur soi. Et voilà, hein, faut que ça bouge. C'est pour ça que les cahiers des charges, d'ailleurs, ça évolue. Hein, et les appellations qui vont bien... C'est les appellations où on discute, voire même des fois on n'est pas du tout d'accord. Il y a eu des réunions tendues, difficiles, mais n'empêche que c'est le gage d'une évolution du collectif. Et c'est des gens qui sont différents qui amènent, qui obligent à s'interroger, et c'est aussi des gens qui amènent le collectif à évoluer. Voilà. Et il faut ça. S'ils ne se remettent pas en question vite, c'est fini. Et la jeune génération, en tout cas, c'est mon avis, je ne pense pas qu'elle ira au front. On prendra des canaux annexe pour vendre en vin de France. Et puis ça peut très bien marcher. Il y a beaucoup de jeunes qui se frottent une fois, deux fois, trois fois aux AOC et puis qui déclassent en vin de France et qui n'y retournent plus aux AOC. Alors, Alexandre Bain a énormément fait parler de lui. Il déclasse tous ses vins en vin de France et il est néanmoins représenté dans les plus grands établissements mondiaux, établissements étoilés Michelin. Il y a plein de vignerons qui arrivent à s'en sortir sans les notions d'AOC. Et je pense que ce sera pareil pour la Bretagne. On peut très bien vendre du vin avec une reconnaissance du vigneron et une reconnaissance des étiquettes. On crée une marque, je pense qu'il y en a pas mal, entre autres en Anjou. Une étiquette ou une gamme d'étiquettes se reconnaît tout de suite et on reconnaît tel personnage qui est derrière avec sa gamme d'étiquettes, avec une trame graphique, avec une trame artistique, voire même des fois des convictions politiques qui traversent via les étiquettes. Et c'est ça aussi qui peut être assez intéressant. Alors, moi, je détourne un petit peu le problème parce que là où je... Enfin, près de l'endroit où les ceps ont poussé, j'ai un site qui s'appelle Le Goudoul. Et puis, on est en terre bigoudaine, donc il me semblait normal de l'appeler Le Bigoudoul. Voilà, ça fait un peu... c'est un mélange des deux. Donc c'est ludique, bigoudoul, ça me fait rire de prendre un petit coup de bigoudoul comme ça. Allez hop. voilà, il va s'appeler comme ça. Pour les gens du coin, ils savent très bien d'où ça vient. Et après, si ça part, ben ça partira. Mais on ne pourra pas savoir que ça vient de Bretagne si on est, je sais pas moi, dans le sud de la France. Dans le dessin du Bigoudoul, aujourd'hui, notre logo, c'est un grand B pour Bretagne. Et au-dessus, on a dessiné un chapeau de Bigouden. Donc voilà. Sauf que ça, déjà, c'est vraiment borderline par rapport au VSIG. Et à mon avis, ça passera pas. Donc il faut qu'on retravaille ce graphisme, peut-être un peu plus léger, juste des traits, je sais pas, pour... Voilà, pour représenter le pays Bigoudin. Ah oui, il ne faut vraiment pas qu'on y voit quoi que ce soit de breton ou de pays Bigoudin. Voilà, il faut vraiment imaginer quelque chose d'assez pur en fait. Un VDQS. Ah oui, comme disaient certains au début. Hein. Vous savez, dans les appellations antérieures, vous aviez les vins de pays, vous aviez le VDQS, vin de qualité supérieure. Et ici, c'est un vin de Quimper Sud. Yermat. Hein? Kedavo, à Darvéchal. Vous êtes toujours à l'écoute de Rembobine sur la radio La Locale, 97.3 à Saint-Girons et ses alentours. Et nous venons d'écouter Appellation Bretonne Incontrôlée. Et avant de retrouver Paco, nous allons faire une pause musicale histoire de calmer l'ivresse un peu. On écoute Sandra Nkake, Happy. H-A-W-B-Y, don't ask me. It's why. Vous êtes toujours à l'écoute de Rembobine sur la radio, la locale. J'ai l'impression que je dis que ça ce soir, mais on va essayer de dire autre chose. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Paco et je lui ai posé du coup quelques questions sur la fabrication de ce documentaire sonore. Et puis là, on va écouter ses réponses. Ça va durer 4 minutes. Et du coup, ça va être ses réponses sur tout particulièrement sur la façon de s'entretenir avec les personnes, sur leur travail à tous les deux, à Paco et à Ronan. Et puis, je lui ai aussi demandé pour quelles raisons ni lui ni Ronan n'apparaissent dans le docu. Et donc, je vous laisse écouter ses réponses. On coupe les questions. Nous, on n'aime pas s'entendre. Du coup, on fait ça à part. Des fois, on n'a vraiment pas le choix parce que là, la question qu'on entend dans le docu, on est obligé de la mettre parce qu'autrement, on ne comprend pas ce que dit la personne. Mais en général, ouais, on essaie de l'enlever. Ouais, c'est parti pris à chaque fois qu'on fait des docus avec Ronan ou même avec le collectif là, c'est un peu ça, ouais. On met pas nos questions, mais ça pourrait être narratif, vraiment inclure l'intervieweur. Mais là non, on pose des questions et on coupe nos questions et puis on dérush après, quoi. Alors dérusher, c'est-à-dire qu'on a l'entretien en brut, donc ça fait je sais pas une heure ou une heure et demie. Et du coup l'idée c'est d'extraire les parties qui nous intéressent, d'extraire les parties de discours qui nous intéressent. En tout cas, moi, quand je déroge, j'ai sur l'ordinateur, mais j'écris aussi sur une feuille les thématiques de chaque morceau de son qu'on extrait, quoi, de chaque piste. Du coup, j'écris à côté, et puis ouais, j'ai besoin d'avoir un truc papier à côté quand même pour un peu construire un discours, quoi. Parce que c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on a... On a une interview d'une heure et demie et on va se servir de quelques bribes pour monter un discours qui formera le documentaire, quoi. Et ce discours-là, il faut l'entrelacer avec les autres personnages, quoi. Tout en... que ça reste intelligible et que ce soit compréhensible. Et qu'il y ait aussi des pauses, ouais. En fait, là, on a eu un problème avec ce documentaire. C'est qu'on n'a pas pris du tout d'ambiance. Enfin, très, très peu. On était tellement manque d'ambiance qu'on a mis des mouettes et de la mer, quoi, pour dire la Bretagne. Autrement, c'est de l'ambiance... d'une dégustation dans un autre endroit, mais quand même chez des vignerons. Le vin qui coule dans le verre, le bruit des verres, donc ça c'était à la Guimardière chez des copains mais, qu'on n'a pas interrogé, qui apparaissent pas dans le documentaire. Et autrement, c'est du son d'ambiance qui sont pris au Braden. Parce qu'en fait, ce qui était particulier avec ce documentaire, c'était qu'on interrogeait deux personnes qui lançaient leur activité, et dont une qui n'avait absolument qui n'avait pas de vigne, qui n'avait rien pour l'instant. C'était vraiment le projet. Ça, c'est Mathieu. Et Sylvie Guerrero, elle avait déjà de la vigne. Mais voilà, on l'a rencontrée. En fait, elle n'habite pas au bord de ses vignes. Elle habite vers Nantes. Du coup, on l'a rencontrée vers Nantes. Et du coup, bah, on ne pouvait pas prendre le son d'ambiance à ce moment-là. Et du coup, on n'avait pas assez de son d'ambiance. Ouais, ça, c'était vraiment embêtant. Du coup, ça, là, c'est quand même assez... Il y a beaucoup de paroles. C'est un peu dense. Il faut un peu se concentrer, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'en réécoutant là, je me suis dit que en fait non, bah, par exemple entre Pascal Cellier et Monsieur Poulard, là, je sais plus son prénom, c'est vrai qu'on les confond et c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Mais ça, en fait, c'est toute la difficulté de la distanciation. En fait, quand on est dedans et qu'on connaît bien les voix et qu'on monte le truc, c'est impossible de se rendre compte de ce qu'on reconnaît bien les personnages. Faut avoir un regard extérieur vraiment pour dire ah ouais, non mais là on voit pas qui c'est, même au niveau technique, quoi, tous les IGP, les AOC, les machins. En fait, là on, dans le montage, on n'avait pas vraiment le choix. À un moment donné, il y a Pascal Cellier ou je sais plus, ou Monsieur Poulard là, qui parle d'IGP, de machin, et en fait c'est défini que après, quoi. Et ça aurait été mieux avant, mais je sais plus, pour des raisons de montage, ça marchait pas de le mettre avant. Non, on s'est répartis. En fait, c'était particulier ce moment-là parce qu'on était en fait en même temps en train de travailler avec le collectif Mettez Chaussons sur un autre gros documentaire qu'on fait à 5. Et du coup, le fait qu'on soit 5, c'est un travail qui mettait beaucoup de temps. Et du coup, on a fait un peu ça en parallèle avec Ronan. Et du coup, on avait envie que ça avance. Du coup, on s'est beaucoup réparti le travail. On a fait très peu de choses en même temps ensemble. Ou en tout cas, quand on le faisait, c'était assez fluide, ça allait rapidement. Et je pense que ce contexte-là était quand même assez important, parce qu'on avait envie que ça aille vite, et du coup, hop, il y en a un qui déroge ça, l'autre il déroge ça, hop, il monte une partie, et puis après on voit, hop, ok, non, on se donne des avis, et puis l'autre il retravaille son truc selon les avis donnés, quoi. Alors, maintenant, on va s'écouter une petite balade sonore que j'ai fabriquée à l'aide de sons récoltés chez les copains de la Guimardière en Anjou, dont parle un moment Paco. Ça s'appelle De la vigne au chai, il n'y a pas de parole, ça dure 2 minutes. Bonne balade. Voilà, c'était de la vigne au chai. On retourne voir Paco maintenant pour lui demander plusieurs choses. En combien de temps ils ont créé ce documentaire, s'ils avaient choisi ce format de 30 minutes. Et il nous parlera aussi de la diffusion, de comment on diffuse un doc. Et pour finir, il nous donnera des nouvelles de Sylvie Guerrero et de Mathieu. Je sais pas, plus de 6 mois, quoi, hein, mais ça a été assez étalé, quoi. Hein. J'ai pas souvenir, là, je sais que du coup, c'était prêt en juin. C'était prêt en juin 2016. Et en plus, là, bah oui, il a fallu du temps pour contacter l'INAO, notamment, il a fallu plusieurs mois, quoi. Hein. Et puis, ouais, et puis le temps de maturer un peu le truc, quoi. Et puis, c'est cool de se dire qu'on a le temps, on bosse pas dans le speed, quoi. Prend vraiment le temps d'avoir d'autres contacts qui nous viennent en parlant de ça aux amis ou aux connaissances et qui nous disent « Ah bah tiens, moi je connais telle personne qui fait du vin là-bas. Ah oui, moi je connais telle personne qui fait du vin là-bas. » Parce qu'on avait plein d'autres de contacts, hein. On aurait pu en avoir plein en Bretagne. Là. Mais ouais, non, je dirais ouais, un peu plus de... ouais, je dirais 7-8 mois, quoi. On s'était dit qu'on voulait, ouais, on voulait moins de 30 minutes, quoi. Enfin, au moins 30 minutes, on voulait pas un truc trop long. Ça, ouais, on se l'était dit au niveau du format, parce qu'on a l'impression que même le top, c'était 20 minutes, quoi. Là, ça fait 30, c'est max, parce qu'après, ça commence à être long, quoi. Et surtout, nous, on a beaucoup de discours, là. C'est un peu long, quoi. Mais ouais, ça, c'est un sacré exercice aussi de choisir, vraiment, aller à l'essentiel. Quand tu fais un documentaire sonore, il y a toute la production, mais après, il y a la diffusion, et ça fait autant partie du boulot, et... Quand t'as fini et que t'as envie de passer à autre chose, mais en fait non. Et du coup, nous, c'est souvent ça, en fait, le documentaire. Là, on les poste sur l'audioblog ou sur le SoundCloud et en fait, on fait rien pour le diffuser. C'est un peu con. Et du coup, c'est chouette qu'il y ait des gens qui les passent sur les radios. mais ouais, la diffusion, ça fait vraiment partie du boulot. Et c'est dommage de la délaisser parce que du coup, on passe du temps, de l'énergie... À produire quelque chose et en fait il est très peu c'est très peu utilisé, enfin c'est très peu diffusé, c'est dommage, ça fait vraiment partie du truc, quoi. Et donc bah oui, aujourd'hui donc Sylvie Guerrero elle est associée avec une autre personne, donc je sais pas si c'était déjà le cas quand on l'a interviewée, en tout cas je me rappelle pas qu'elle en ait parlé, en tout cas là elle est associée avec une autre personne, donc ils prévoient leur premier vendange en 2019, donc l'année prochaine, parce que là, l'hiver a été assez froid et assez pluvieux. Du coup, ils ont perdu pas mal de pieds de vigne. Et du coup, ouais, les conditions sont un peu difficiles, finalement. Ils galèrent un peu. Du coup, ce sera en 2019 qu'il y aura les premières vendanges. Mathieu, quant à lui, et bah, là, ça y est, il a enfin trouvé des terres sur Groix. Du coup il devrait défricher ça et mettre ça en culture en 2019, donc il va planter en 2019 lui, donc s'il y a de la production ça sera que 5 ans plus tard, c'est minimum 5 ans pour les vignes pour donner du raisin et voilà, et en attendant ouais, il fait du cidre, il chope des pommes sur le continent et il fait du cidre du coup voilà, et puis bah, le coteau du Braden à Quimper, bah, eux, ça continue. Là, je voyais qu'ils ont fait leur vendange toujours là, cette année. Ils sortent 1000 et quelques bouteilles. Enfin, ça fonctionne bien. Ouais, c'est intéressant cette vigne du Braden. Là, c'est vraiment un quartier, quoi. Il y a vraiment quelque chose, vraiment un quartier assez dynamique. Le Braden, en fait, c'est une asso où il y a plusieurs. Il y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font de la vigne. Enfin, c'est vraiment. Assez dynamique et échelle de quartier, c'est assez intéressant aussi comme truc. Voilà, on arrive au bout de cette histoire de vin pour aujourd'hui. Merci d'être allé au bout de cette émission Rembobine 3e à mes côtés. Je remercie très chaleureusement évidemment Paco pour sa participation. Et j'envoie une accolade aux acolytes de Mettez Chaussons au passage. C'était Rembobine, c'est un lundi par mois à 18h. La semaine prochaine, c'est au tour de Béné sur ce même créneau pour Rature et Littérature. Demain, il y a une grosse programmation sur la locale dès midi avec plusieurs émissions habituelles et d'autres ponctuelles. Je vous laisse ce soir en disant « Vive le vin et que crève l'État !»